avons fait un beau voyage. Beau, mais j'en rage. Je vous rapportais de Montélimar. Devinez quoi ? Oui, des nougats de Montélimar. Seulement voilà, je les ai posés sur la banquette dans le train. Un important est venu causer. Il s'est assis et m'a cassé les nougats. Petit dégât, mais ce qui est plus triste, c'est que mon beau-frère, qui est un artiste, les a collés, puis revendus. Au prix de la colle, on y a perdu. Qu'en pensez-vous ? Le monde est fou, le monde est fou, le monde est fou. Ah oui, le merveilleux voyage, mer merveilleux, mais quel dommage. À Narl, où sont les aliscans? Où sont-ils donc? Toujours pas dans les confiseries. J'en aurais pris quelques kilos et 100 grammes pour ma sœur. Mais le confiseur, ce petit sot, m'a envoyé dans un cimetière aboli. C'est du joli. Et ce qu'il y a de plus bête, c'est que mon beau-frère, qui est un poète, a parlé de les mettre en verre. Des alisques en verre, à quoi ça sert? Qu'en pensez-vous? Le monde est fou, le monde est fou, le monde est fou. Comme elle est belle, notre France, mais maintenant fini les vacances. Je vais reprendre le collier de ma belle-sœur chez le bijoutier qui l'a rangé. Ma belle-sœur, figurez-vous, s'est fait monter le cou par je ne sais qui. Et alors depuis, son collier de perles est trop petit à hauteur. Petit malheur, mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que mon beau-frère, qui est bien brave, lui a fait mettre 5 rangs de plus. C'est égyptien, ça ne se fait plus. Qu'en pensez-vous? Le monde est fou, le monde est fou, le monde est fou.